Le 31 décembre, sur le coup de 18h, l'animateur d'Errance Reynaldienne, Reynald Gagné, vous propose rien de moins qu'un marathon pour le nouvel an. En effet, il vous accompagnera jusqu'au lendemain matin 6h sur les ondes du 89.1 FM dans le cadre de l'événement radiophonique Adieu 2014, Salut 2015. On peut s'attendre à une soirée baroque avec l'univers surprenant, particulier, insolite et poétique au programme. Des personnages atypiques alimenteront son monde décalé, de la musique, de la folie et surtout du plaisir. Le nouvel an, c'est à CKRL que ça se passe. Félicitations, vous allez faire un merveilleux voyage, j'en suis certain.